New combination, du leur de zouk, Lincha, Lincha, Lincha, Lincha, Lincha, d'être avec moi. Dans nos projets, un bébé se prévoit. Il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Ni d'amour, ni de tendresse. Il n'a pas besoin d'être ton